Question vitale pour l'avenir de l'humanité, l'alimentation des 9,1 milliards de personnes qui habiteront la Terre en 2050, soit une augmentation de 34% par rapport à la population actuelle de 7,55 milliards en seulement 32 ans. Une augmentation donc de 34% en 32 ans. Rappelons que la population mondiale n'était que de 3 milliards en 1960, au début de la Révolution verte. Cette révolution est aujourd'hui mise sur la sellette en raison de ses effets, aussi bien sur le réchauffement climatique, dont il est question en ce moment même à Bonn, où se tient la COP23, que sur l'environnement et la santé humaine en raison de la pollution par l'utilisation massive de pesticides et d'herbicides, à la fois sur la biodiversité, sur l'appauvrissement des sols ou encore la question cruciale des ressources en eau. Ainsi, le glyphosate fait toujours l'actualité en Europe. Alors, existe-t-il des alternatives à l'agriculture intensive qui permettent de nourrir la planète sans la polluer, sans dégrader notre santé et sans contribuer au réchauffement climatique? Quel est le potentiel de l'agriculture de précision, de la permaculture ou de l'agroécologie? Peut-on cultiver sans polluer? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Donc pour aborder la question de l'agriculture, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Hélène Schwab. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales et docteur en sciences politiques. Et Hélène Bergès, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en génétique et biologie moléculaire et directrice du Centre national de ressources génomiques végétales à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. Vous pouvez suivre cette émission, comme chaque jour de la semaine, en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Marie-Hélène Schwab, la COP23 de Bonn fait l'actualité. L'agriculture contribue à hauteur de 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce taux monte à 24% si l'on tient compte de la déforestation et d'autres impacts de l'agriculture. Pensez-vous que cette situation peut s'améliorer alors même que la population mondiale continue à croître rapidement ? Oui, alors c'est intéressant effectivement de prendre en considération cette COP23. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que jusqu'à relativement récemment, dans l'agenda des conférences internationales sur le climat, l'agriculture n'était pas du tout prise en compte. En fait, il y a eu un vrai changement au cours des deux dernières années avec la montée d'initiatives internationales comme l'initiative 4 pour 1000 qui reconnaissent justement effectivement le rôle, la responsabilité de la production agricole sur le changement climatique, mais qui reconnaissent aussi à l'agriculture la capacité de capter, de stocker du carbone dans les sols. Et donc l'agriculture s'est retrouvée un peu projetée sur le devant de la scène de ces discussions sur le climat. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se mettent en place pour réfléchir à des manières de produire mieux, de manière moins impactante pour le climat, voire de produire et en même temps d'avoir un effet apaisant sur le changement climatique. Justement, un mot sur cette initiative 4 pour 1000 pour expliquer qu'il s'agit de 4% de matière organique. Voilà, c'est ça. 4 pour 1000, ça représente la capacité de stockage de carbone dans le sol. D'accord. Par exemple, par des processus de décomposition de la matière organique qui est laissée sur le sol et qui après, donc c'est de la matière organique qui a un fort taux de carbone qui peut être ensuite intégré et stocké dans les sols. Très bien. Hélène Bergès. L'autre actualité, comme je disais, c'est le glyphosate, cette substance herbicide qui est largement utilisée puisque la France en consomme 8000 tonnes par an. Et dans le monde, ce sont 825 000 tonnes de glyphosate qui sont répandues sur les terres agricoles. Alors le glyphosate, pour rappel, il a été lancé par Monsanto en 1974. Et deux ans plus tard, en 1976, Monsanto lance aussi les semences Roundup Ready, c'est-à-dire résistantes à l'herbicide grâce à des manipulations génétiques. Ce sont les fameux OGM. Sommes-nous toujours aujourd'hui, 40 ans plus tard, dans cette situation où chimie et OGM sont les deux mamelles de l'agriculture ? Alors l'agriculture, elle est assez diversifiée, assez complexe. Il y a plusieurs types d'agriculture, en fait, et plusieurs modes de culture. Concernant le glyphosate, donc, il y a un rapport qui a montré, en fait, un possible effet cancérogène de l'utilisation. Le Centre international de recherche sur le cancer. Tout à fait. Donc, à ce titre-là, donc, l'INRA a été chargé par les quatre ministères, donc, de la santé, de la recherche, de l'environnement et de l'agriculture, bien sûr, à faire un rapport, donc, sur les alternatives au glyphosate et un rapport, donc, qui sera rendu public fin novembre. Donc à ce titre-là, il y a pas mal de déjà d'actions de toute façon au niveau de l'INRA et pas mal de recherches qui sont menées pour essayer de produire plus et mieux en tenant compte justement l'effet sur le changement par rapport au changement climatique et bien sûr des alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires, y compris peut-être par la réduction. En tout cas, c'est un sujet quand même qui est assez complexe et il y a beaucoup de solutions possibles, pas forcément une solution pour demain, mais il est certain que l'INRA est en train de prendre en charge ces alternatives. Est-ce que c'est ça qui justifie les délais dont on parle et qui sont au cœur de la négociation actuellement à Bonn, c'est-à-dire d'autoriser à nouveau le glyphosate pour une durée de 3 à 5 ans. 3 ans, c'est la France qui défend ce chiffre. 5 ans, c'est plutôt la position de l'Europe actuellement. Est-ce que ça exprime justement cette difficulté à faire évoluer les choses pour se passer de cette molécule? Il y a des évolutions de toute façon qui sont faites. On voit bien qu'il y a une façon de cultiver en fait, hein, pluriculture déjà qui existe. Faire un changement radical, ça demanderait de toute façon des changements de la part de l'ensemble des acteurs de l'agriculture. Donc il faut prendre le temps et comprendre déjà les solutions qui s'offrent à nous, mais prendre le temps de proposer autre chose et pas être... aussi radical dans l'arrêt en fait, hein. Donc il y a déjà des possibilités de toute façon et des réductions, mais Marie-Hélène Schaub, comment vous réagissez à cette question du glyphosate? Par rapport à cette question, donc pour répondre à cette question de pourquoi est-ce que ça prend du temps, en fait, c'est qu'aujourd'hui, donc on a deux alternatives de sortie du glyphosate, trouver une autre molécule équivalente, mais dans ce cas, on reste un petit peu dans le même système, en fait, un nuisible correspond à un pesticide ou à un herbicide, et finalement, peut-être avec les mêmes problèmes sur l'impact sur la santé, avec les effets cocktails de toutes les substances utilisées, donc on reste dans le même système. L'autre option possible de sortie du glyphosate, c'est de trouver des méthodes alternatives de culture qui incluent par exemple la rotation. Donc par exemple, si je suis un céréalier dans le bassin parisien, que j'ai envie de m'engager dans la rotation pour sortir de donc cette alternative... Donc la rotation, c'est le changement de culture. Voilà, c'est le fait de changer de culture d'une année sur l'autre. Notamment. Et par exemple, je ne vais pas forcément pouvoir faire ça rapidement parce que je suis un céréalier, que je fais partie d'une coopérative qui a investi dans des silos à blé et qu'il n'y a pas forcément le marché pour m'acheter les autres productions que je pourrais produire d'une année sur l'autre pour réduire mon usage de pesticides. Donc c'est comme le disait Hélène Vergès, c'est l'engagement pas seulement des agriculteurs, ça ne se fait pas d'une année sur l'autre, c'est l'engagement de toute la filière, de l'ensemble des acteurs, et c'est ça qui prend du temps en fait. Hélène Vergès, vous vouliez préciser sur... Par rapport aux rotations, comme on a dit précédemment, c'est à la fois avec ces rotations ou des cultures en fait secondaires, on va dire, qui peuvent aussi amener au niveau du sol en fait, hein, un apport, comme ce qui a été dit. Ce qu'on connaît, c'est effectivement avec les légumineuses, hein, les légumineuses qui sont des plantes qui fixent l'azote de manière naturelle, donc qui réduisent au moins l'entrée d'azote. Donc ça, c'est une alternative qui est déjà mise en place, hein, donc également avec des couverts en fait de culture pour pas seulement des rotations, mais pour alterner en fait au cours des saisons ces cultures-là. Il y a également les biotechnologies vertes, donc pour développer en fait des variétés, des nouvelles variétés avec des traits, des caractères d'intérêt agronomique de manière plus rapide peut-être, comme ce qui a été fait. Que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, il faut savoir qu'on sélectionne, hein, depuis très longtemps, depuis le néolithique, hein, l'homme sélectionne en fait les plantes. Alors, on ne savait pas qu'on faisait de la génétique à cette époque. Et puis, avec la connaissance et l'amélioration des connaissances sur les bases génétiques, en fait, ont permis de donner des outils pour aller plus rapidement vers des sélections en fait de variétés qui répondent à ce qu'on attend en termes de caractère. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut aborder avec les nouvelles biotechnologies et la connaissance des génomes. C'est le domaine dans lequel je travaille et qui permettent justement de mieux appréhender également la biodiversité. Donc c'est à la fois également des nouvelles cultures, des espèces orphelines qu'on peut réintroduire, l'utilisation de la biodiversité et de manière peut-être plus dirigée, si l'on comprend mieux comment se développent les plantes, comment elles s'adaptent et comment elles ont évolué. Alors dans les années 1960, la question de la pollution engendrée par la révolution verte ne se posait pas encore vraiment, comment témoigne cette archive INA de l'ORTF datant de 1962. L'ONIA, une des deux grandes usines qui assure la vocation industrielle de Toulouse et sa région. Mardi dernier, une démonstration y était faite du nouvel engrais azoté liquide, Solonia, ONIA soluble, qui améliorera notablement les méthodes d'enrichissement du sol. L'engrais azoté est à base d'ammoniac, il y faut de l'hydrogène obtenu par le craquage du gaz naturel, puis ce sera la synthèse de l'hydrogène et de l'azote de l'air en présence d'un catalyseur et le stockage dans ces immenses boules maintenues à moins 30 degrés à la pression atmosphérique car l'ammoniac est liquide. L'ammoniac entrera ensuite pour une part essentielle dans la fabrication de ce nouvel engrais liquide. Et voici la machine qui enfouit l'engrais dans le sol. Il s'agit de la préparation du maïs. Pour le blé, on procède par pulvérisation. Avantage, régularité et plus grande largeur de l'épandage, rapidité incomparablement accrue du travail. De surcroît, les désherbants et les engrais peuvent être appliqués simultanément. Ainsi, l'ONIA, fidèle à sa vocation, a ajouté à sa gamme déjà large un engrais nouveau dont la production est un gage de plus de la prospérité industrielle de notre région. Alors, cette archive de l'INA concerne la région Midi-Pyrénées. En 1962, on se posait, semble-t'il, moins de questions écologiques et... Pour faire le lien avec ces herbicides ou ces pesticides de l'époque, on peut citer ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est-à-dire une alternative au glyphosate qui est le dicamba, apparemment moins connu bien sûr, qui est juste annoncé aujourd'hui. Et la difficulté que l'on voit se profiler, c'est de craindre qu'on remplace effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, un pesticide en fait. Par un autre ou un herbicide par un autre, et que finalement ça ne change rien à la façon de procéder, et donc avec des effets induits qui soient encore négatifs. Que ça ne change rien à la façon de procéder, c'est dans l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs, c'est difficile de changer, mais le problème c'est ça, c'est le problème c'est en bout de chaîne, quel impact on a sur la santé des agriculteurs qui manipulent ces substances-là, quels sont les effets cocktails, quels sont les effets sur la santé éventuellement des consommateurs. On a énormément d'études qui renseignent l'impact d'une molécule sur une personne qui la manipule ou qui l'ingère. Mais on est soumis à des centaines de molécules toute la journée. Donc la quantification de ces effets cocktails sont très très difficiles à mener dans le cadre de recherches scientifiques. On en parle pour la disparition des abeilles, par exemple, de ces effets cocktails qui peuvent expliquer. Oui, c'est ça. C'est l'impact, il est sur la santé humaine, mais il est aussi sur la biodiversité et sur l'ensemble des autres organismes, oui. Alors, quelle place on peut imaginer, Hélène Bergès, pour ces véritables alternatives et non pas simplement un remplacement d'un produit chimique par un autre ? Alors, comme je disais, l'innovation variétale, pour moi, c'est vraiment un des axes majeurs. Hein. On a fait de l'innovation variétale. Il faut quand même rappeler que, malgré tout, les nouvelles variétés nécessitent moins d'intrants, sont plus résistantes, sont plus rustiques, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. On utilise quand même 8000 tonnes de glyphosate par an. Donc tout à fait, mais il est possible déjà, et ça a été montré, de réduire, en fait, hein, déjà dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que c'est la solution idéal, mais en tout cas, la meilleure connaissance des plantes dans leur environnement, et y compris par rapport à l'adaptation au changement climatique, est indispensable. Et donc ça passe par la connaissance et donc la recherche. Et c'est la recherche qui est à la base, de toute façon, des réponses et des réponses complémentaires qui pourront répondre à ces alternatives. Donc des réponses complémentaires qui passent aussi bien par des pratiques culturales, il y a aussi le traitement du sol, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au niveau justement du sol, de la préservation de la biodiversité. On l'a vu chez l'humain, le microbiote joue un rôle important, chez les plantes aussi, on a des données là-dessus, on ne connaît pas encore tout, mais il est nécessaire aussi d'aller dans la connaissance de ce sol et de l'interaction favorable de certains micro-organismes avec les plantes qui favorisent leur développement, qui favorisent la résistance naturelle également à certains pathogènes, également des cultures en coexistence, qui vont avoir un intérêt bénéfique l'une pour l'autre. Et donc tout ça, en fait, nécessite de mieux connaître. Et toutes les avancées que l'on a vues dans ces quelques dizaines de dernières années, y compris par la génétique, maintenant la génomique, vont nous permettre de mieux comprendre pour mieux cibler et diriger des nouveaux traits d'intérêt. Donc il faut penser aussi les nouveaux traits d'intérêt, penser de manière peut-être un peu moins empirique que ce que l'on fait maintenant, avoir des diversités dans les variétés que l'on met, mais y compris intra-espèces, avec un mélange de cette même variété, mais avec des caractères, des traits d'intérêt différents qui vont nous permettre de se dispenser le plus possible de ces molécules chimiques qui sont peut-être à la fin de leur vie. Ça n'est pas l'évolution qui s'est produite ces dernières années. En termes de biodiversité, par exemple, la culture intensive a plutôt tendance à aller en sens inverse de celui que vous indiquez. En termes de rendement, il y a quand même des chiffres qui sont spectaculaires quand on regarde le rendement du blé. En 1820, il était de 1 tonne à l'hectare, et en 1940 ou 50, il était de 1,6, donc il n'avait pas énormément évolué. Et en 2013, il est de 8,1. Donc il y a une explosion dans cette fameuse révolution verte, dans cette période, entre 1960 et aujourd'hui, qui est absolument spectaculaire et qui peut-être ne peut pas être obtenue, n'aurait pas pu être obtenue sans justement le recours aux pesticides. C'est un peu ça aussi, la concurrence à laquelle doivent faire face les nouveaux modes d'agriculture, Marie-Hélène Schwab. Non, mais c'est sûr que la révolution verte a eu un impact énorme sur les niveaux de production dans énormément de pays, en Europe, aux États-Unis, au Mexique. La révolution verte, elle a commencé à cet endroit-là, en Asie, etc. On a eu beaucoup de progrès de la science qui a permis l'augmentation de ces rendements. Maintenant, le problème de la révolution verte, c'est qu'elle a mis dans la tête de l'ensemble des acteurs du système que la technologie avait forcément un impact bénéfique parce que permettait de produire plus. Et aujourd'hui, même si on se rend compte de l'urgence des problématiques environnementales, même si on se rend compte que cette agriculture très intensive et très productiviste, finalement, a des impacts très négatifs sur l'environnement, on reste bloqué dans ce paradigme de la révolution verte, bloqué sur cette idée qu'il faut produire plus et on pourra le faire que grâce aux technologies. Alors, je suis d'accord avec Hélène Bergès, il y a énormément de technologies qu'on peut utiliser aujourd'hui. Effectivement, la sélection variétale et ce genre de choses sont des choses qui peuvent être très utiles, mais le problème, c'est qu'on prend peut-être pas encore suffisamment en considération tout ce qui est changement des pratiques, tout ce qui est innovation par les agriculteurs eux-mêmes, et qu'on se retrouve dans un système très productiviste qui est nourri par les acteurs de la science. Alors quand ils sont publics comme l'INRA, c'est bien. Quand c'est des multinationales qui ont un modèle économique qu'on leur connaît, il y a peut-être aussi des problèmes à ce niveau-là. Oui, alors le paradoxe, c'est que c'est justement grâce à cette révolution verte que la population mondiale a fortement augmenté. Et aujourd'hui, on se retrouve face au problème inverse, c'est-à-dire comment nourrir cette population qui a augmenté grâce à l'agriculture. Donc c'est un cercle un peu vicieux, mais justement, comment est-ce qu'il y a dans votre esprit, Hélène Bergès, la perspective d'une véritable évolution malgré ces contraintes qui ont l'air très fortes pour continuer, voire accentuer encore la productivité et donc le recours à pas mal de pratiques classiques de pesticides et d'herbicides. Moi, je pense que voilà, c'est important de rappeler qu'on a quand même redonné à manger, on va dire, à la France et peut-être à l'Europe, et qu'il y a également d'autres pays qui ont envie aussi de se développer. Et il y a la famine quand même dans pas mal de régions sur la planète. Donc, il faut éviter la dépendance à des produits chimiques à partir du moment où la toxicité est avérée. C'est certain. Donc il faut arriver à piloter des nouvelles, y compris les nouvelles pratiques culturelles, je n'exclus pas ça dans les nouvelles approches, au contraire. Mais en tout cas, moi je suis assez optimiste parce que la connaissance progresse. Donc la connaissance progresse, y compris dans l'importance, et aujourd'hui on en arrive à ce constat-là, parce qu'on comprend mieux comment les êtres vivants, et donc les plantes sur Terre, interagissent entre elles. Donc le progrès de cette connaissance va nous permettre de mieux appréhender la gestion de la biodiversité, de mieux appréhender les pratiques agricoles et d'avoir de nouvelles approches, et y compris, je le répète également, avec ces biotechnologies vertes qui vont nous permettre de sélectionner des variétés. Et c'est aussi les rendements ont été augmentés, pas seulement par rapport à l'utilisation des pesticides, mais également par rapport à l'amélioration variétale, à la sélection de plantes qui vont mieux résister quand même, y compris aux changements, enfin aux aléas climatiques. Au prix peut-être d'une diversité plus faible. C'est, Alors la diversité, effectivement, on est parti sur des monocultures et donc on est en train de revoir ce modèle. Mais c'est très facile. À l'intérieur d'une variété. Tout à fait. Voilà. Quand je parle aussi de variété, c'est intra-espèce pour arriver à avoir, et justement par rapport au changement climatique, à avoir quelque chose, un équilibre entre des variétés qui vont résister un peu mieux à certains environnements et d'autres, et donc en fonction des imprévisibilités qu'on va devoir subir et que l'on subit déjà et que les agriculteurs subissent déjà, pouvoir s'adapter et mieux produire. Alors parmi les alternatives que l'on regroupe souvent sous le terme d'agroécologie, il y a l'exemple de la permaculture qui se développe même en zone urbaine. Céline Lozen, vous êtes allée à la ferme de Paris, une exploitation de 5 hectares gérée dans le respect de l'environnement et qui a pour vocation de sensibiliser le public et de mobiliser les acteurs du territoire autour des enjeux de la production et de l'alimentation durable. Cela se passe au bois de Vincennes, où vous êtes rendue, Céline, pour observer sur le terrain cette méthode de culture. Oui, tout à fait. La permaculture, c'est à la fois une technique et une démarche plus globale. En pratique, il s'agit d'une méthode qui s'inspire de la nature, une forme de biomimétisme, où on peut voir des légumes et des plantes qui ne sont pas bien alignés en rang comme on peut le voir classiquement, mais où les espèces sont mélangées ensemble. On peut donc y trouver des salades au pied d'un arbre avec des plantes aromatiques insérées au milieu. Alors vu du dehors, cela donne une impression de désordre végétal, mais la technique est très rentable, comme me l'ont expliqué Renaud Sandevoir, Noémie Monnier et Frédéric Bansard sur leur terrain à la ferme de Paris. C'est assez dur à définir la permaculture, mais souvent on essaie de la définir comme beaucoup d'observations. Après cette observation, on peut essayer d'imiter le modèle que nous a, entre guillemets, enseigné la nature. On a lancé une expérience depuis 4 ans. Et donc là, on est dans une zone où il y a beaucoup de plants différents, on voit que tout est un peu entremêlé. Est-ce que vous pourriez décrire un peu ce qu'on cultive ici? En fait, en permaculture, on a une structure, une ossature un peu de plants perpétuels, enfin de plantes pérennes et de boisement. Donc on fonctionne aussi en termes spatial, donc on utilise au maximum l'énergie du soleil. Plus on mixe les végétaux et plus c'est intéressant, ne serait-ce que déjà au niveau aérien, au niveau de l'architecture aérienne, mais aussi au niveau de l'architecture souterraine. Plus les racines aussi sont de formes différentes et de profondeurs différentes et de chimies différentes, et plus c'est intéressant. Sympa, un laboratoire à ciel ouvert ici. Oui, c'est beaucoup d'observations aussi. Par exemple, vous êtes un ingénieur agronome, qu'est-ce que vous pouvez expérimenter? Eh bien, donc nous, là, on a une parcelle donc, de 3 500 m² pour faire du maraîchage avec donc, des salariés en insertion. Donc, on est le collectif Cultivons la Ville avec l'entreprise Topager. Et mais le but, c'est de faire de la production maraîchère. Et donc, on va se servir un peu, s'inspirer de toutes les techniques agronomiques différentes, donc les techniques de la permaculture, de l'agroécologie, beaucoup d'associations de cultures, hein, c'est ce qu'expliquait Frédéric. On essaye donc de combiner différentes plantes qui vont apporter en fait des choses complémentaires. Donc par exemple, ce qu'on fait beaucoup, c'est cultiver des plantes tomates avec des pieds de basilic au sol, parce qu'il y a des interactions favorables entre les deux. On fait aussi beaucoup de rotation des cultures, donc c'est pareil, en fait chaque plante va tirer du sol des nutriments différents. Donc si on cultive toujours les mêmes types de plantes sur un même sol, le sol va finir par être épuisé. C'est pour ça que dans l'agriculture plus classique, on doit utiliser des intrants chimiques, en fait des fertilisants ou autres. Donc c'est pour ça, nous, on est vraiment voilà, dans une réflexion plus systémique de l'écosystème et de réfléchir aux interactions, de s'inspirer en fait du vivant, de ce qui existe. La forêt, c'est un bon exemple. Hein. Nous, on va juste être là pour accompagner le développement des plantes, pour choisir les espèces qui sont adaptées au climat, pour pouvoir désherber, accélérer la production, parce que nous, on va quand même avoir un objectif économique derrière, de rentabilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste accélérer ou orienter un peu ce que la nature fait déjà. Vous me parlez de production, est-ce que c'est un système qui pourrait se substituer aux productions plus classiques ? À l'échelle d'une communauté, d'une ville, d'un quartier peut-être? Alors moi j'aurais tendance à dire que il n'y a pas un modèle parfait, que c'est plutôt une combinaison de systèmes. Là, en ville, on n'a pas forcément de toute façon des surfaces suffisantes pour produire, pour nourrir la ville. Une ville comme Paris, c'est impossible. C'est plutôt dans la multiplicité des systèmes et des techniques et essayer de tirer des enseignements de tout ce qui existe. Enfin, dans la permaculture, il y a cette idée de circulaire, enfin, de tirer, en fait, il n'y a pas de déchets. Tous les déchets sont des ressources. Là, on est au cœur du bois de Vincennes, donc élagage, on peut du coup avoir du BRF pour payer les plantes, enfin essayer de voir un peu quelles sont les interactions, mais ça c'est typique parce qu'on est dans le bois de Vincennes, peut-être que dans d'autres espaces, eh ben, on n'aura pas accès à ces ressources-là, donc il faudra réfléchir à autre chose, il y aura peut-être des élevages à côté, donc de la paille à récupérer, enfin voir en fonction de ce qui se trouve autour de nous. Alors justement autour de nous, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Devant, on a un chou portugais. À côté, juste derrière, vous avez un caraganier, donc c'est un arbuste qui va fournir de l'azote dans le sol de par ses racines avec un système de nodules. Il va capter l'azote atmosphérique qu'il va redistribuer dans le sol. Juste à côté, on a de l'ortie. À côté, on a de l'angélique. Il y a une zone ici où on intègre aussi les animaux. Donc là, il y a un canard et une canne. Dans la permaculture, on intègre aussi la faune à l'écosystème. Oui, c'est ça. Ils vont aussi aider à fertiliser la zone et à limiter, si vous voulez, le problème de limaces, par exemple, puisque en permaculture, normalement, les problèmes se transforment en solutions, comme en œuf de canne, par exemple. Est-ce que vous passez par un circuit la ruche qui dit oui ou ce genre de choses ? Alors pour l'instant, on est toujours en train de réfléchir à nos circuits de distribution. Nous, on prône plutôt donc, les circuits courts, voire la vente directe. Et après, voilà, nous, on est vraiment dans cette économie du local, ultra-local. Enfin, c'est notre philosophie d'éviter les intermédiaires, plutôt de vendre sous forme de panier. Donc en multipliant en fait, les canaux, on est sûr d'écouler notre production et donc à la fin d'avoir vraiment tout vendu ou alors ce qui n'est pas vendu, bon, ça sera de toute façon valorisé en compost. On ne jette pas de nourriture. Moi, je dirais de créer vraiment de l'harmonie entre l'homme et la nature, mais c'est aussi dans la permaculture toute la réponse environnementale, écologique, qui a une dimension extrêmement importante et pour laquelle on milite, de fonctionner plutôt en harmonie. Ça, c'est vraiment, je dirais, la philosophie qui anime en tout cas la permaculture et notre projet. Alors voilà le reportage donc de Céline Lozen. Est-ce que vous voulez réagir l'une et l'autre, Hélène Bergès ? Ben, je pense qu'elle a bien rappelé en fait que c'est pas avec ce qu'ils faisaient qu'ils arriveraient à nourrir même y compris uniquement Paris. Avec l'ensemble du bois de Vincennes, ça voilà. Peut-être pas suffisant. Donc elle a cependant rappelé de manière très pertinente que c'était des approches complémentaires qui étaient importantes. Et je pense que c'est ça, s'il n'y en a pas une qui en exclut une autre, et c'est donc dans la meilleure connaissance pour être plus prédictif, pour arriver à développer des nouveaux traits, y compris donc ces propriétés allélopathiques dont elle parlait. Avec les interactions bénéfiques de certains végétaux avec d'autres, en incluant aussi tous ces micro-organismes bénéfiques pour le développement des plantes et la résistance des plantes. Donc je crois que c'est cette complémentarité d'approche et favoriser la recherche dans ce domaine, parce qu'on n'en est qu'au début, pour être moins empirique, mais plus prédictif et pour donner justement à tous les acteurs de la filière des moyens d'avoir des agricultures qui vont répondre également aux rendements qui sont nécessaires pour nourrir quand même la planète. Marie-Hélène Schwab. Oui, je voudrais aussi réagir exactement sur la même phrase. La personne dit qu'il n'existe pas un modèle parfait de production agricole. Et je souscris à ce propos-là. Seulement, c'est un peu ce qu'on dit depuis très longtemps en fait. Il n'existe pas de modèle de production parfait en agriculture, il y a de la place pour tous les modèles. Seulement, j'ai l'impression que quand on dit ça, on est un peu enfermé dans une certaine hypocrisie où, bah non, de fait, il y a des modèles dominants aujourd'hui. En céréaliculture, par exemple, le modèle dominant, c'est la monoculture. Et produire du blé en agriculture biologique, c'est quelque chose qui est extrêmement marginal. Et même aujourd'hui, l'agriculture biologique en France, elle est extrêmement marginale. C'est 4-5% des surfaces. Donc, en fait, dire qu'il n'existe pas d'un modèle parfait et à ce titre, on va laisser tous les modèles se développer sans faire de discrimination positive pour des modèles où on sent qu'ils auraient quand même besoin d'un petit peu plus d'aide, pour moi, c'est un petit peu dommage quand même. Give me the best and all what's left to breathe. Give me the best, give me the strength to see. All the colors of the sky from your eyes drip into the roots of my flowers. Grow, they grow, grow, they grow, grow. Give me the best and all what's left to breathe. Give me the best, give me the strength to see. The sun and the blows, blows, the blows, blows, the blows, blows. Did you ever notice there were secrets inside? Did you ever notice only one way to cry? Did you ever notice something changing? Flower Grow de Gaillot à 16h32 sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui d'agriculture, de permaculture et d'agroécologie avec Marie-Hélène Schwab, ingénieure agronome, chercheur à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et Hélène Bergès, docteur en génétique et biologie moléculaire et directrice du Centre National de Ressources Génomiques Végétales de l'INRA. Alors, à ce stade-là, il faut effectivement évaluer le potentiel d'évolution, en fait, c'est-à-dire comment une agriculture qui aujourd'hui a évolué vers des rendements très importants et une pollution aussi très forte à la fois du sol et puis peut-être de l'être humain, est-ce qu'il est possible de la faire évoluer malgré cet objectif de nourrir 9 milliards de personnes, Marie-Hélène Schwab? Donc, comme on l'a dit au début de l'émission, il existe tout un tas de modèles alternatifs de production. Ce qui est vrai, c'est que bien souvent, ces modèles alternatifs de production, qui sont donc moins engagés dans une logique très productiviste, on a des impacts au niveau de la chute des rendements et de la chute des volumes de production. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, en 2050, on sera beaucoup plus sur cette planète. Mais le fait de rester bloqué dans ce paradigme de la révolution verte, comme quoi il faut produire toujours plus parce que la population mondiale augmente et parce que les gens veulent consommer toujours plus, en fait, ça éclipse totalement d'autres leviers d'action qui sont extrêmement importants. Je vais vous donner des chiffres pour ça. Par exemple, les pertes de produits agricoles entre le champ et l'assiette au niveau mondial, c'est un tiers. Un tiers de ce qui est produit dans les champs se perd. Donc il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Et l'autre chiffre, c'est évidemment que les pays en développement aujourd'hui ont tout à fait le droit de consommer ce qu'on consomme en Europe. Mais si on regarde ce qu'on consomme dans notre assiette en Europe, et si on fait la comparaison par rapport aux recommandations des agences sanitaires au niveau français ou européen, on consommerait quasiment deux fois trop de produits d'origine animale. Donc en fait, il y a aussi des leviers à jouer sur la consommation et sur les pertes qui, pour moi, me semblent absolument déterminants. Et si on reste trop concentré sur la production et toujours produire plus, on éclipse un petit peu les moyens d'action sur ces autres champs-là. Voilà, alors il y a une projection sur l'avenir qui est très, qui exprime tout à fait cette situation. Si la projection de l'augmentation de la population est de 34% d'ici 2050, ce qui est projeté en termes de besoins agricoles, elle, c'est une progression de 70%, c'est-à-dire le double de la population, de la croissance de la population, Hélène Bergès, qui est le signe d'une anticipation de simplement la généralisation de notre façon de vivre en Occident et dans les pays développés vers les pays qui sont en voie de développement et qui vont effectivement être plus riches, être plus urbains aussi et donc consommer plus. Oui, donc comme on l'a dit, alors les plantes, elles sont quand même à la base déjà de notre vie hein, sur Terre. Donc ça, à ce titre-là, c'est important hein, de pouvoir les maintenir et donc en incluant la biodiversité. Elles sont utilisées pour les cultures, pour la nourriture, mais également pour d'autres applications, le logement ou l'énergie, voire les vêtements et la médecine également. Donc il y a quand même toutes ces applications-là. Il y a des alternatives, ou des modèles alimentaires maintenant aussi différents. Les gens veulent consommer peut-être moins de produits carnés. Des plantes, donc des nouvelles plantes, des nouvelles cultures peuvent aussi être introduites. Donc je pense qu'on ne va pas aller vers un besoin en réduction de ces cultures-là. Alors le gaspillage, effectivement, on est un peu les enfants gâtés et on ne veut surtout pas que les pays en voie de développement fassent comme nous. Donc on peut commencer, mais on parle d'autre chose, quoi. On parle d'autre chose que des modèles d'agriculture. Donc là, on est vers la façon de vivre et un modèle économique aussi qui est... Il y a un impact direct sur l'agriculture. Et qui a un impact direct. Mais en tout cas, donc il faut y réfléchir. Et là, c'est tout le monde, c'est toute la société, y compris ceux qui critiquent les modes de production à l'heure actuelle, qui doivent se poser des questions sur leur mode de consommation déjà. Donc ça, c'est quand même une chose importante qu'il faut avoir en tête pour après aller vers permettre à d'autres pays de produire. Quand on dit nous à l'INRA, on n'est pas juste dans la production de mieux, pas plus produire. On est également dans le mieux produire. Donc mieux produire en tenant compte justement de cette conservation hein, de notre vie sur Terre, en incluant la biodiversité et en incluant donc des pratiques moins toxiques pour. Je vous coupe parce que on a parlé des pertes et du gâchis. Ou de certaines choses sur lesquelles on pourrait gagner beaucoup. Il y a aussi le pouvoir nutritif, qui semble-t-il être une notion relativement récente en matière de recherche, même à l'INRA. Effectivement, et là on parle de nouvelles, c'est quand j'abordais les nouvelles cultures, c'est ça aussi quoi. Donc il y a ces nouveaux traits également, donc je reviens sur l'importance de la recherche et de la connaissance. On sait également qu'il y a des légumineuses par exemple, hein, il y a les lentilles, les pois chiches qui peuvent compenser des systèmes alimentaires, des nouveaux systèmes alimentaires et qui se développent de plus en plus. Donc mieux comprendre également comment des plantes vont être plus efficientes pour produire plus de fer. Par exemple, ça c'est aussi, ce sont des approches que l'on prend en charge et que l'on développe. Et c'est un mode de culture. Et là, j'en reviens également à la sélection. Donc parce qu'on connaîtra mieux comment les plantes se développent, on pourra mieux sélectionner de manière plus dirigée, plus rapide que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et c'est pas du tout antinomique avec la production bio. Au contraire, une meilleure connaissance va nous permettre également de mieux comprendre les plantes de l'environnement, voire de mieux les sélectionner, y compris avec les nouvelles approches de technologie qui vont nous permettre de sélectionner plus rapidement les traits d'intérêt. Marie-Hélène Chauve. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Hélène Bergès. C'est avec la connaissance qu'on réussira à faire avancer les choses. Mais est-ce suffisant? Justement, dans cette phrase, il y a beaucoup de choses qu'on dit et il y a des choses qu'on ne dit pas aussi. Oui, la connaissance, elle est clé. Mais pour moi, comprendre bien cette équation, c'est comprendre qui détient la connaissance, qui produit la connaissance, qui la vend et à quel prix. Et dans qui la produit, on parle de l'INRA, on parle des multinationales, on parle des petites et moyennes entreprises, mais on parle aussi des agriculteurs qui sont eux-mêmes producteurs de connaissances. Donc dire que la connaissance fait avancer les choses, pour moi, c'est le premier pas. Et après, comprendre tous les paramètres de cette phrase implique derrière. Quels sont les acteurs derrière? Pour moi, c'est ça qui est essentiel pour que la connaissance nous oriente vers les bons modèles et pas qu'on aille dans des dérives comme on a pu les voir ces dernières décennies. Alors un mot quand même sur le potentiel de ces alternatives à l'agriculture intensive hein, dont on a parlé, l'agroécologie, la permaculture. Est-ce que on peut attendre des rendements qui soient capable de nourrir une partie significative de la planète, même si on imagine que ces modes d'agriculture ne vont pas se répandre et devenir les seuls existants. Mais est-ce qu'ils ont une chance donc de peut-être capable de participer à cette alimentation d'une partie, d'une part croissante de, la, de l'humanité. Marie-Hélène Schwab. Oui, alors dans mon institut, à l'IDRI, on fait beaucoup de scénarios. Donc on essaye de voir à quoi vont ressembler les systèmes agroalimentaires dans le futur, à 2050 par exemple. Et l'un de ces exercices, c'est de regarder si c'est possible d'avoir une Europe agroécologique en 2050, c'est-à-dire qui n'utilise pas de pesticides ni de fertilisants chimiques. Et on essaie de voir si cette équation de nourrir une certaine partie du monde, par exemple le nord de l'Afrique, c'est des pays qui structurellement n'ont pas d'eau et ne peuvent pas vraiment produire et répondre aux besoins alimentaires de la population. Et en fait, donc on a regardé si agronomiquement ça tenait la route et si on tenait la route aussi au niveau commercial. Et on s'est rendu compte que c'était faisable. Mais que c'était faisable à la condition qu'on active assez substantiellement ce levier de la consommation des Européens qui est là et que pour l'instant on n'a pas suffisamment activé. Et qui en fait. Activé comment ? Bah par exemple en réduisant la consommation de certains produits. De viande par exemple ? De viande, mais la plupart des gens pensent à la viande rouge. Seulement on se rend compte en faisant ce scénario que la viande rouge, donc c'est des troupeaux de vaches, de veaux, qui sont sur des pâturages, en France en tout cas, et en fait c'est les seuls animaux qui peuvent valoriser les pâturages. Et donc la plupart des gens en ce moment se reportent sur la viande blanche, donc sur la volaille, le porc, alors qu'en fait en France la volaille et le porc sont nourris avec des produits qui sont importés, du maïs, etc., qui contribuent notamment à la déforestation dans les pays d'Amérique latine par exemple. Donc c'est une équation qui est très complexe et il faut encore de la recherche pour informer les consommateurs des conséquences de leur alimentation et les informer de manière simple en fait, parce que sinon on va se sortir avec une liste de courses où à chaque produit qu'on va devoir acheter, on va devoir vérifier un nombre de paramètres et ce sera insortable. Hélène Bergès, sur cette question des rendements du potentiel donc de méthodes alternatives à l'agriculture intensive. À l'heure actuelle, voilà, les rendements ne sont pas là pour d'autres cultures alternatives. Ça ne veut pas dire qu'ils y seront pas demain. Mais en tout cas, c'est une équation complexe, hein, comme on l'a dit. Il y a des approches complémentaires qu'il faut prendre en compte et certainement pas en exclure d'autres par rapport à certains modèles. Il faut surtout arriver à être plus prédictif et à donner des outils que les agriculteurs, parce que c'est eux qui sont au départ de cette production, que les agriculteurs puissent s'approprier en fait pour être convaincus de certaines alternatives possibles à ces approches-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait que, par exemple, les semences sont propriétés de Monsanto et ne peuvent pas être produites par les agriculteurs eux-mêmes ? Alors après, on ne va pas rentrer dans un débat assez complexe. C'est un débat important. Oui, mais je veux dire, Monsanto, voilà, c'est une multinationale, il y en a d'autres. Donc il ne faut pas non plus faire des réductions, de on va dire. Que Monsanto, il y en a d'autres, équivalentes. Monsanto ne va plus s'appeler Monsanto dans quelques temps. Il y a un modèle économique aussi. Donc il y a des gens qui produisent des variétés hybrides. Donc après, dans la sélection, on doit stabiliser certains traits pour justement répondre aux rendements que l'on veut avoir ou aux caractéristiques que l'on veut avoir de résistance à certains stress biotiques, abiotiques, etc. Donc, produire des semences qui vont d'une année sur l'autre varier parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on a sélectionné, c'est pas ça qui va remplacer en fait au niveau des rendements. Donc il faut que des gens vendent certaines semences, donc Monsanto ou quelqu'un d'autre, si des gens... Et donc ces outils, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la voie dans la meilleure connaissance pour, à partir du moment où on a cette meilleure connaissance, d'autres personnes peuvent s'approprier ces connaissances et d'autres personnes peuvent alors développer des modèles, au moins dans la sélection variétale, pour avoir quelque chose de plus accessible à tout le monde. Marie-Hélène Schaub. Oui, je reviens sur ce que je disais. La connaissance, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Mais derrière, il faut savoir quels sont les acteurs économiques qui utilisent cette connaissance, à qui ils la vendent et à quel prix. Par exemple, on parle des multinationales qui vendent des semences aux agriculteurs. Qui est en soi, pourquoi pas, je veux dire, il y a une rationalité de modèle économique, il y a une pour les deux acteurs en fait, pour la firme qui vend les semences et pour l'agriculteur qui achète les semences parce que ça lui permet d'augmenter sa productivité. Maintenant, ce qui me pose question moi dans ce modèle-là, c'est le déséquilibre des pouvoirs en place qui est absolument gigantesque. On a des agriculteurs, voire des très petits agriculteurs parfois, qui sont dépendants parce qu'ils doivent acheter donc tous les ans des semences à cet acteur-là. Ces acteurs sont en situation d'oligopole au niveau mondial. C'est juste, enfin, imaginez la taille en termes d'acteurs économiques. Quand on parle d'une multinationale qui vend des semences et quand on parle d'un petit agriculteur dans un pays en développement, c'est juste pas les mêmes capacités. Et en cas de problème, lors d'un procès, c'est pas très difficile de savoir qui va s'en sortir gagnant. Donc c'est un peu tous ces problèmes-là de dépendance et d'inégalité de rapport de force qui, moi, me posent question dans ce modèle-là. Et qui peuvent quand même avoir un impact sur le développement de ces modèles alternatifs, sur le pouvoir de ces entreprises. Hélène Bergès, on ne peut pas le nier, l'importance de ces facteurs-là, des facteurs économiques. Il n'y a pas que les facteurs de la connaissance qui s'imposent dans ces domaines. Et il y a aussi la politique. Donc après, il y a des volontés politiques qui peuvent orienter certaines choses dans un sens ou dans l'autre. Donc après, est-ce que c'est l'économie qui fait tourner le monde ou la politique ? Ce sera un autre sujet de débat dans lequel on pourra... Juste pour préciser la question de départ, c'est-à-dire les rendements actuels des pratiques alternatives, est-ce qu'on peut les évaluer par rapport aux rendements dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui sont ceux de l'agriculture intensive ? Est-ce que c'est 10%, 20%, 50%, 80%, ou est-ce qu'on se situe aujourd'hui ? En termes de rendement d'une culture bio par rapport à une autre, par exemple, c'est ça ? Moi, j'ai pas de chiffres en tête, mais il y a de plus en plus quand même de cultures bio qui se développent. Elles représentent un pourcentage quand même assez faible, que ce soit pour les grandes cultures comme le blé, le maïs, le sorgho, le soja. À mon avis, elles ne répondent pas pour l'instant au niveau des rendements à ce qu'on peut produire. Alors après, on peut mettre en parallèle le fait du gaspillage et qu'on a peut-être moins de rendements. Et de la valeur nutritive, parce que c'est aussi un facteur qui va peut-être réduire notre besoin en quantité produite. Ça, c'est très important, la valeur nutritive. Et justement, ça, on est en train d'améliorer aussi les connaissances là-dessus pour justement produire. Et les pays en voie de développement, et notamment l'Inde, des collaborateurs sont vraiment sensibles à ça pour arriver à produire des cultures qui sont beaucoup plus nutritives. Donc ça fait partie des traits, des caractères d'intérêt agronomique que l'on peut sélectionner beaucoup plus favorablement, et j'en reviens, vous allez me dire encore à ça, mais oui, plus on connaît en fait quel est le gène ou quelle est la région qui va permettre d'avoir ce caractère d'intérêt, et mieux on pourra sélectionner la plante qui va être plus nutritive, qui va être plus résistante, qui va être plus en capacité de se développer avec des qualités nécessaires pour répondre à tous nos enjeux. Marie-Hélène Chauve, comment imaginer des pratiques qui ont de faibles rendements? Comment imaginer qu'elles vont se développer dans un contexte de forte demande et attente d'une population en forte croissance? Comment la demande alimentaire est effectivement forte au niveau mondial, mais la demande de produits de qualité est aussi de plus en plus forte en Europe. Donc en fait, il ne faut pas la négliger. Le changement de cette demande, il ne faut pas la négliger non plus. Est-ce que cette attente peut se transmettre aussi aux pays en voie de développement qui vont être les principaux moteurs de cette croissance de la demande en produits agricoles? Bien sûr. J'ai fait ma thèse sur la Chine, donc ce n'est pas exactement un pays en développement, mais... ils se rendent bien compte des problèmes de sécurité sanitaire et des problèmes environnementaux posés par l'agriculture qui est extrêmement productiviste dans ce pays. Donc c'est effectivement quelque chose qui percole aussi dans des pays avec des situations économiques différentes des nôtres. Alors, au niveau recherche, pour dire un mot quand même, merci. Je vois que vous êtes en attente de cela depuis un moment, des technologies comme la CRISPR-Cas9, dont on a parlé beaucoup pour des applications dans le domaine de la médecine, par exemple, est-ce qu'elles peuvent avoir aussi, ces techniques nouvelles, un impact sur l'agriculture et la création de nouvelles variétés, par exemple? Alors, quand je parle de connaissances et de recherche, je ne parle pas que de ça, en fait. D'accord. Donc, à l'INRA, on ne fait pas que ça non plus, puisqu'on est également dans les pratiques culturales. Mais forcément, la connaissance et ces nouvelles technologies modification ou réparation de génomes vont nous permettre d'avoir une sélection peut-être plus rapide sur des plantes avec des traits, y compris donc dans les rendements, ça fait partie des traits qui peuvent être sélectionnés, en intégrant donc les connaissances, y compris de la biodiversité, donc donc d'espèces qui existent à l'état sauvage, de manière naturelle, et qui peuvent aussi nous apporter des nouveautés dans les traits d'intérêt que l'on peut sélectionner sur des plantes. Donc ces approches-là, elles sont déjà en place dans certains pays. Elles ont déjà, il y a déjà des tomates qui ont été modifiées par cette technique CRISPR-Cas. Cas 9 ou une autre. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour arriver à avoir une meilleure connaissance de comment cette enzyme va aller réparer ou modifier un génome de manière beaucoup plus dirigée, de manière beaucoup plus propre. Est-ce que ça sera un OGM ? Alors, OGM, on est tous des OGM, en fait, hein, si vous voulez. Donc, la sélection que l'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on fait des croisements pour avoir, justement, des variations de génétique dans la descendance. Là, en fait, on pourrait réduire le temps pour obtenir ces variations génétiques au sein d'une plante beaucoup plus rapidement, de manière dirigée, comme ce qui existe, finalement, naturellement. On va réparer quelque chose avec cette approche. C'est un système qui est issu donc d'une bactérie hein, qui l'utilise de manière naturelle pour se prémunir contre des infections par un virus. C'est une immunité acquise et que l'on transfère là pour le modifier de manière... Alors, on a une espèce qui est complètement... identique à une autre. Il n'y a pas de trace, en fait, hein, de la modification qui est faite, si ce n'est que vous avez ciblé ce que vous vouliez modifier. Donc, c'est pour ça qu'il faut une législation là-dessus, hein, parce que ça existe dans d'autres pays. Donc, en tout cas, on ne peut pas nier ces technologies. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Elles existent dans d'autres pays. Il faut se les approprier. Il y a un potentiel énorme. Il y a une rupture technologique et des innovations potentielles importantes avec cette technologie, y compris pour faire avancer la connaissance sans parler de les mettre au champ pour le moment, tant que la législation n'est pas mise en place. Marie-Hélène Schaub, une réaction ? Oui, il y a beaucoup de débats en ce moment, parce qu'effectivement, tout le travail de législation est actuellement en cours. Moi, je suis pas anti-technologie, j'aime beaucoup ce que fait l'INRA. Moi, j'ai fait beaucoup de sociologie, et en fait, c'est ça, c'est dans les mains de quels acteurs cette technologie se retrouve à la fin. Et on pense souvent que les nouvelles variétés sont la solution à tel problème. Mais en fait, si une nouvelle variété, elle est résistante à une maladie, à une bactérie, un champignon, n'importe quoi, cet organisme vivant, cette bactérie, ce champignon, va potentiellement évoluer. Donc en fait, mettre un OGM sur la table telle année, on va avoir des résistances éventuellement qui vont pouvoir se développer. Et en fait, c'est des investissements qui ne sont pas une année N, et après on est tranquille pour le restant. C'est des investissements qui doivent être régénérés, et ça, ça a un coût. Et du coup, ce coût, il est porté in fine par l'agriculteur ou par les consommateurs, fonds publics, les consommateurs. Et donc c'est ça la question, en fait, derrière, je pense. C'est ce qui est déjà fait à l'heure actuelle, hein, de toute façon, et qui coûte beaucoup plus cher parce qui est beaucoup plus long, en fait. Mais dans les traits, c'est pareil. La plasticité des génomes, justement, pour essayer de s'adapter, évoluer, est importante. Il est maintenant l'heure de notre rubrique du mercredi, la recherche montre en main, où il s'agit de présenter une thèse en 4 minutes. Aujourd'hui, nous recevons Chloé Salambier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en deuxième année de thèse à l'unité mixte de recherche SADAPT. C'est oui, bien cela, c'est ça, oui. De l'INRA et du Centre de gestion scientifique de Mines Paris Tech. Et vous nous présentez votre thèse intitulée « Stimuler la conception de modes de production agroécologiques par l'analyse de pratiques innovantes en ferme ». Chloé Salambier, c'est à vous. Très bien, mais d'abord je vous remercie pour votre invitation. Donc, dans ce travail de recherche, je m'intéresse à la façon dont les agronomes contribuent à l'innovation et aux interactions qu'ils entretiennent avec les agriculteurs pour ce faire. Pourquoi donc ? Donc, comme vous l'avez un peu évoqué, les agriculteurs sont aujourd'hui fortement invités à faire évoluer leurs pratiques vers plus de durabilité. Eh bien, c'est pas si simple. Par exemple, demander à un agriculteur aujourd'hui de se passer de pesticides peut s'apparenter à nous demander de nous passer de médicaments pour nous soigner. Cela supposerait que nous soyons en capacité d'imaginer d'autres manières de nous soigner, que nous connaissions des alternatives aux médicaments, qu'on nous explique mieux comment fonctionne notre corps pour apprendre à l'observer, à anticiper sur le long terme, etc. Eh bien, un agriculteur qui devrait se passer de pesticides se trouve face à des difficultés proches pour inventer chez lui de nouvelles manières de produire. Il a de ce fait besoin de nouvelles idées et de connaissances pour faire ce changement. Eh bien, en tant qu'agronome de la recherche et du développement, nous sommes en charge de produire des ressources pour aider les agriculteurs dans ces changements. Mais les enjeux agricoles actuels nous posent aussi de nouvelles difficultés. Par exemple, nous ne connaissons pas bien comment favoriser les équilibres naturels pour se passer de pesticides. Nous devons prendre en compte de nouvelles échelles d'analyse pour favoriser ces équilibres. Et ces enjeux nous invitent à limiter les solutions techniques de type clé en main comme les pesticides, pour plutôt appuyer les agriculteurs pour qu'ils imaginent par eux-mêmes des options techniques. En bref, ces enjeux agricoles nous posent de nouvelles questions et interpellent nos méthodes et concepts en agronomie. Face à ces difficultés, depuis plusieurs années, un petit nombre d'agronomes se sont tournés vers des agriculteurs qui ont développé des pratiques innovantes. Ces agronomes s'intéressent par exemple à des agriculteurs qui ont conçu leurs propres outils agricoles, plus ergonomiques et mieux adaptés à l'agriculture biologique. Ou d'autres qui, pour supprimer l'usage d'engrais azotés, cultivent ensemble plusieurs espèces, là où la norme les orienterait vers la culture d'une seule. Ce constat nous interpelle. Il suggère que des agriculteurs, chez eux, explorent des pistes d'innovation que la R&D agricole n'aurait pas explorées. Mais il suggère aussi que ces agronomes apprennent des choses originales chez certains agriculteurs. Et bien face à cela, dans ce travail, l'énigme qui m'intéresse est la suivante. Je voudrais comprendre comment ces agronomes valorisent ces pratiques innovantes locales, les méthodes ou concepts qu'ils mettent au point pour le faire, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils échangent, et à quelles conditions est-ce que ces interactions peuvent stimuler des dynamiques d'innovation. Donc je cherche à rendre visible ce phénomène. Je souhaite comprendre ces conditions d'efficacité et contribuer à l'améliorer pour que d'autres agronomes puissent s'en inspirer. Au début de ma thèse, j'ai d'abord cherché à mieux comprendre comment, au cours du temps, les agronomes ont échangé avec des agriculteurs pour innover. En étudiant des écrits passés, j'ai constaté que les objets d'étude des agronomes et leurs concepts conditionnent le rapport qu'ils ont aux agriculteurs et ce qu'ils produisent pour faire évoluer les pratiques. Je montre par exemple qu'au XVIIIe, les agronomes s'inspiraient de pratiques d'agriculteurs pour mettre au point des techniques agronomiques performantes. Puis, les agronomes ont considéré que la modernité était de mettre au point des techniques agricoles en s'appuyant exclusivement sur la science. Et aujourd'hui, certains considèrent les agriculteurs comme concepteurs, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les agriculteurs inventent des manières de produire originales chez eux et qu'il faudrait les appuyer dans ce sens-là. J'approfondis aujourd'hui ce résultat en comparant 13 programmes de R&D où je modélise les raisonnements d'agronomes qui s'appuient sur des pratiques innovantes d'agriculteurs. Et mes premiers résultats montrent que, pour certains agronomes, ces innovations servent de démonstration de bonnes pratiques. Pour d'autres, elles leur posent de nouvelles questions de recherche ou signalent des champs d'innovation délaissés par la R&D. Et je montre que ces agronomes mettent au point des méthodes originales et mobilisent de nouveaux concepts pour analyser et mettre en partage ces pratiques avec d'autres agriculteurs. Dans la dernière partie de ma thèse, je teste aussi une démarche que je propose en m'appuyant sur les points forts des 13 programmes étudiés, et dans laquelle agronomes et agriculteurs échangent pour innover en agriculture biologique. Les résultats de cette thèse viendront enrichir les débats en agronomie sur les modèles d'innovation en agriculture. Et ils fourniront, je l'espère, des pistes pour imaginer de nouvelles manières de travailler entre agronomes et agriculteurs pour inventer l'agriculture de demain. Merci beaucoup Chloé Salambier. Juste un mot de réaction, on n'a plus beaucoup de temps. Alors Hélène Bergès, en un mot. Pour son voilà, ben, exposé. Je pense qu'elle résume bien un peu ce que l'on a dit. Donc, en tout cas, elle montre bien aussi que c'est un problème complexe qu'on doit s'approprier tous. Et je rajouterai que le problème que nous rencontrons, ils sont mondiaux et qu'il est important que notre connaissance soit partagée à l'international. Alors, un demi-mot de Marie-Hélène Chaud. En deux mots, si vous me permettez. Agriculteur, innovateur. Je pense que ça change bien cette nouvelle dynamique dans laquelle il faut s'inscrire aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup à nos deux invités, Hélène Bergès et Marie-Hélène Schwab, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lausanne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Eve Etienne, Hugo Bartholoméi, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la technique, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Hubert à la technique et Elisabeth Gornescotto au droit d'auteur. Rendez-vous demain dans la méthode scientifique où vous retrouverez Nicolas Martin pour parler du temps et de la question de savoir s'il existe vraiment avec Étienne Klein. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Du Grain à Moudre à 18h20 sur le thème « Les Israéliens ont-ils encore la main au Proche-Orient ?» À 17h, LSD, la série documentaire est consacrée cette semaine à la relation soignant-soigné. Aujourd'hui, soigner la douleur.